si fort, venu de l'horizon, porté par les Açores. C'est l'été à Copipi, à Paris ça gèle dehors. Les touristes sont réunis sous le soleil qui tape fort. Insouciance au paradis, vie de rêve et peu d'efforts. C'est Noël à Copipi, c'est le nouveau jour des morts. Mère nature a pris le dessus, elle a tout emporté avec elle. Aidée par une vague gigantesque, elle a pris la vie sur toutes ces îles. Mère nature a pris le dessus, elle a tout emporté avec elle. Aidée par une vague gigantesque, elle a pris la vie sur toutes ces îles. La vague a tout détruit, désolation, champ de ruines, paradis devient enfer. C'est le début d'une nouvelle ère, corps charrié par les flots, maison broyée sous les eaux. Une fillette appelle sa mère avant de sombrer en mer. C'est la crise au paradis, vie de merde et trop d'efforts. C'est Noël à Copipi, c'est le nouveau jour des morts. Mère nature a pris le dessus, elle a tout emporté avec elle. Aidée par une vague gigantesque, elle a pris la vie sur toutes ses îles. Mère nature a pris le dessus, elle a tout emporté avec elle. Aidée par une vague gigantesque, elle a pris la vie sur toutes ses îles. Thank you.